Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage entre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h. Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur Radio Libertaire. Donc ce soir, on va faire une émission sur la double peine. Moi, c'est Alix et on est quatre aujourd'hui en studio. Coucou, c'est Henri. Salut, c'est Yentel. Et moi, c'est Gomme, bonsoir. Et on a quelqu'un à la technique aussi. Salut, c'est Avril. Donc avant de commencer l'émission, je vais redonner les contacts qu'on a pour pouvoir nous joindre. Du coup, déjà, vous pouvez nous écrire par courrier au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à carapatage@riseup.net. On est sur Instagram, @carapatage. Et pendant toute la durée de l'émission, vous pouvez nous appeler au studio au 01 43 71 89 40. Voilà. Et après, on a aussi un blog sur lequel vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et les podcasts de toutes les émissions précédentes. Et c'est carapatage.noblogs.org, l'adresse du blog. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce soir, on va faire une émission sur la double peine. Mais avant ça, on va commencer, comme à chaque fois, par quelques brèves d'actualité. Et c'est Yentl qui va commencer. Ouais, alors pour commencer, on va revenir sur les traditionnels feux d'artifice du Nouvel An qui sont tirés en solidarité avec les personnes enfermées. Il y en a eu quelques-uns en France. Par exemple, en région parisienne, il y a eu des feux d'artifice devant le CRA du Ménil-Amelot et le CRA de Vincennes, les prisons de Villepinte, de La Santé, de Fleury-Mérogis. À Lyon, il y a eu des feux d'artifice devant le centre de semi-liberté de Lyon 7e, la maison d'arrêt de Corbas, à côté du CRA 2 de Lyon-Saint-Exupéry et en face de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Mézieux. Aussi des feux d'artifice en solidarité devant le centre pénitentiaire de la Talaudière dans la Loire, aussi aux abords de la prison de Séguedin dans le Nord. Et enfin à Marseille, devant le CRA du Canet, l'établissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine et devant les Baumettes. D'ailleurs, trois personnes ont été interpellées et mises en garde à vue devant les Baumettes au prétexte d'un arrêté qui rend délictueux les tirs de mortier dans l'espace public pendant les fêtes. Donc, soutien à ces personnes. Donc voilà, c'était une petite liste non exhaustive de ces initiatives de solidarité. Il y en a eu dans d'autres pays à retrouver sur un article de Dingri. Le lien sera sur le blog. Et le 31 décembre au soir, en Zambie, il y a aussi un maton ivre qui apparemment a eu un peu de remords sur son métier et qui a ouvert les portes des cellules en disant aux prisonniers qu'ils étaient libres de partir pour la nouvelle année. Du coup, il y en a 13 qui se sont enfuis et qui depuis sont considérés comme fugitifs. Du coup, j'ai pas trouvé s'ils avaient été rattrapés ou pas, mais on espère que non et qu'ils resteront dehors le plus longtemps possible. Et je continue avec un incendie d'une voiture de maton sur le parking de la méga prison d'Arren à Bruxelles. C'était le 2 janvier. Et ça s'est passé en plein après-midi. Il y a un cocktail Molotov qui a été jeté sur la voiture, qui a complètement cramé. Le maton est rentré à pied. Moi, je continue en vous parlant d'un colis spécial qui a été trouvé à la prison de Fresnes. Un colis de drogue et de 45 iPhones cachés dans du fromage râpé qui est livré pour la cantine des prisonniers début janvier. Et en réalité, c'était pas seulement du cannabis et des iPhones, mais il y avait aussi 21 cartes SIM. Des paquets de feuilles de CBD, des cigarettes électroniques, des tournevis et même des décodeurs pour regarder Amazon TV. Que la paix le veuille ou non, les prisons sont des passoires et c'est tant mieux. Je vais parler de deux évasions qu'il y a eu ces derniers temps, enfin à la fin de l'année 2024. La première, c'était à Lyon, le 18 décembre, et plus précisément au tribunal des 24 colonnes. C'est le tribunal où il y a la cour d'appel et la cour d'assises. Il y a quelqu'un qui était extrait du centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry pour passer devant un juge et qui a réussi à partir en courant et à se débarrasser de ses menottes avant de quitter le tribunal. Et aux dernières nouvelles, il n'a pas été retrouvé et c'est tant mieux. Et la deuxième évasion dont je voulais parler, c'était le 22 décembre et c'est en Espagne cette fois à Picassent qui est près de Valence. Ça s'est passé entre 21h et 23h pendant que tout le monde était en train de regarder un match de foot. Et c'est deux détenus qui ont réussi à s'évader à l'ancienne. Ils ont forcé les barreaux de leur cellule avec une barre. Et après, ils se sont glissés dans la cour en descendant à l'aide d'une corde qu'ils avaient fabriquée à partir de draps. Et ensuite, ils sont sortis par une porte qui sert à faire rentrer les marchandises dans la tôle et qu'ils ont forcé pour quitter les lieux. Et il n'y a aucune alarme qui s'est déclenchée et c'est les matrons qui se sont rendus compte de leur absence à la ronde suivante à 23h. Et aux dernières nouvelles, ils couraient toujours et on leur souhaite bon vent. Quant à moi, je vais finir cette partie brève en vous faisant une brève chronique, ou plutôt une chronique de brève, dans laquelle je vais parler du JT de France 2 début janvier, celui du jeudi 2 janvier et celui du vendredi 3 janvier, où on avait coup sur coup deux reportages qui nous parlent de prison. Le jeudi 2 janvier, c'est un reportage sur la construction d'une nouvelle prison à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Donc le reportage commence avec l'information que Darmanin veut isoler les principaux narcotrafiquants en prison. Ce qui n'est pas tout le temps possible, faute de place, car les élus ne veulent pas accueillir des prisons dans leur commune. Voilà, le reportage nous parle du manque de prisons dû au rejet des élus. On est surpris quand même parce que nous, on en compte beaucoup. Sauf à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Parce que, on va à Saint-Saulve avec les journalistes, le long de 20 hectares de cultures de betteraves et de maïs qui seront bientôt remplacés par un centre pénitentiaire flambant neuf. Donc là, on a un plan en travelling arrière sur le maire qui marche le long du champ, le sourire aux lèvres. Et il dit que la prison sera à 600 mètres des habitations seulement, dit-il. Qu'est-ce que ça sous-entend que du coup les prisonniers sont dangereux? Et il se réjouit aussi parce que cette nouvelle prison avec 700 places, ça pourrait générer jusqu'à 600 emplois. Et une nouvelle dotation pour la mairie parce que en fait, un prisonnier est valorisé comme un habitant. Donc lui, ce qu'il voit, c'est qu'il va avoir 100 000 euros de subventions, de budget supplémentaire. Donc il augmente son budget municipal sur le dos des prisonniers. Ensuite, on a un plan sur la rue principale du village avec des voitures qui passent. On interroge les passants. Monsieur 1 a un peu peur des évasions. Madame 2, je pense qu'elle est de gauche. Elle n'y voit pas d'inconvénient car les prisons sont surpeuplées. La journaliste lui dit, même si c'est pas loin de chez vous? Et Madame 2 de répondre, même si c'est pas loin de chez moi, alors ça c'est généreux. On a un avis pour, on a un avis contre, bye bye, on remballe et on rentre à Paris. Ah non, attendez, on va interroger le boulanger. Lui, ça lui va, car avec les 600 nouveaux emplois, il va en vendre de la baguette au maton. Pour finir, petit détour par Caen, où une prison de 500 places a été mise en service récemment. Les habitants interrogés confirment qu'ils n'ont pas été troublés dans leur quiétude, ça ne les dérange pas. Enfin, bon, c'est pas eux qui sont en prison, hein, c'est les prisonniers. Et la dernière phrase du reportage, sur les 15 000 places de prison promises par Macron en 2017, seules 4 500 ont été livrées, sous-entendu, qu'en est-il des 10 000 autres? Vraiment, la propagande pro-prison va bon train. Mais attendez, vendredi 3 janvier, autre reportage de 2 minutes sur la prise d'otage de 5 heures dans l'unité sanitaire de la prison d'Arles, où un prisonnier originaire du Guyana a retenu en otage donc 5 personnes travaillant en prison, des médecins, des matons, etc. Et il l'a fait parce qu'il demande son transfert. On n'en sait pas beaucoup plus. Pourquoi il veut être transféré ? Pourquoi il veut être transféré ? Où ? Depuis combien de temps ? Sachant qu'il est à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui et qu'il est libérable en 2031. Mais par contre, on va interroger des matons qui vont dire qu'il est psychologiquement instable comme de nombreux autres détenus sur place et que eux, ils n'ont pas les moyens et les capacités de gérer ce genre de profil, entre guillemets. Donc que ces prisonniers ont leur place à l'hôpital psychiatrique sous-entendu. On apprend dans la presse écrite le lendemain qu'il a été transféré en hospitalisation sous contrainte, déclaré non apte à la garde à vue suite à sa prise d'otage, d'un enfermement à l'autre donc. Et donc, pour finir, un petit point agenda. Samedi 18, il y aura un événement de soutien à Gino, qui est un prisonnier antifasciste actuellement incarcéré à Fresnes, dans l'attente d'une décision concernant sa potentielle extradition en Hongrie. On avait parlé de son affaire dans une émission en décembre. Donc, ce sera organisé par son comité de soutien le samedi 18 janvier à partir de 14h à la Parole Errante à Montreuil. Et du coup, avant de continuer, on va écouter un peu de musique et ça va être L'étendard brûle de Hugo TSR. Il faut que l'étendard brûle, j'arrive sans armure, je vais droit au but, il faut que les gendarmes hurlent. Allez les gars, des gros dégâts, on fait mes 68. Ouais, c'est empire, on tire dans un empire où toutes mes joies s'enfuient. Dans nos quartiers, autant d'aspects que sur les sons de Jaroule. Rempli de colère au collège, tous les yeux sont déjà rouges. J'arrose la faute de pleurs, même si c'est pire ailleurs. Enfant tirailleur, le béton a fait de moi un tirailleur. Je nique l'état esprit, c'est pour mes cousses dans la déprime. Les mettre des coups, l'état d'esprit. Je suis dans la course et je tape des streets. Écriture illisible, t'inquiète pas, on est dans l'ombre, on est dans le 11, que d'illicite. Les petits d'ici, on est dans l'ombre. Par l'écran ultra plat et télécommande. On est tous formatés à croire que la télécommande. Les jours défilent et je les commande. L'étendard brûle, la guerre commence. Les flics t'es comme les jeunes, comme les cowboys et les comanches. Ça sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a des larmes dans les yeux des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a brûle, on des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a des larmes dans les yeux des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a brûle, on des mères. L'étendard brûle, ici c'est Paris, je paiera, je fume la carotide. Le tout c'est de crever avant qu'on tranche la carotide. Que des gars hostiles, le drapeau brûle, les jeunes sont sans patrie. Les jeunes sont en batterie, que des coups durs qui rendent les rangs patries. Moi je suis pas de ceux qui pleurent, les miens préfèrent quand les parfums s'amènent. Je crois pas que ça m'aide, mais bon, on veut le bifton, marre du parfum de la merde. J'allume la mèche, toi c'est la même, on est tous à plat ventre. Ça y est, il faut qu'on se venge, j'ai de la fierté et je pourrais à plat vendre. Là j'avance, on vient péter les barricades, on veut du cash, les poires craquent, j'en marécane, tout paraît crame. Ça te paraît cru et me diante, il faut que ça le fasse. Les fondations, nos convictions depuis trop longtemps ça fait. Faut que j'apparaisse, mais à Paris j'ai trouvé que des barrettes. Aucune caresse, que des barreaux, j'ai défoncé le barème. Je vais soulever des tas d'hommes, ma question que j'ai d'alcool. Les salariés d'Alton, petit mais costaud comme Joe Dalton. Sans la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a des larmes dans les yeux des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a brûle, on des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a des larmes dans les yeux des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a brûle, on des mères. L'étendard brûle, on a brûle. Y'a plus que des cons et moi je rêve qu'il y ait plus de condés. J'suis pas méchant, mais acte sur mes dents, j'ai toujours pu compter. Que des coups de boîte, que des coups bas, mais te couche pas par terre. Système comme l'apartheid, j'suis radical comme la coupe à Barthez. À part ça, très percé, j'ai pas la panoplie. Y'a plus que des villes silages, donc d'ici là on éteint pas nos spliffs. Le drapeau crame, le monde étouffe, les amitiés détournent. Le maire fait rien du tout, ça suffit pas de dynamiter des tours. On nique la censure, pas d'ascenseur, pourtant j'pars du zéro. Un jour c'est sûr, ah, j'suis géo, il aura du zéo. La rage la poule, il faut savoir fermer sa bouche. Et à mon vieux, mets ta capuche, y'a du grabuche quand mes gars bougent. Marche les bras ballants, on voit plus que des ballons, c'est des commères. Marcher la tête de haut, c'est dur à faire quand t'esquives les grosses merdes. Sarkozy, petit zizi, t'inquiète pas, Marie me le baise. Faut pas que j'oublie un gros majeur pour Jean-Marie Le Pen. Ça sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a des larmes dans les yeux des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a brûle, on des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a des larmes dans les yeux des mères. L'étendard brûle, on a sent la mort, ça sent la mer. L'étendard brûle, on a brûle, on des mères. L'étendard brûle, l'étendard brûle. Bonsoir, vous êtes toujours sur Carapatage. Et du coup, on vient d'écouter L'étendard brûle de Hugo TSR. Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone au 01 43 71 89 40. Et donc ce soir, on va commencer la thématique de notre émission. Et on va parler de la double peine et des luttes qui ont eu lieu contre entre 1981 et 2003 notamment. Du coup, c'était beaucoup des luttes contre l'ITF, l'interdiction de territoire français. J'expliquerai un peu tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais déjà, pourquoi on a eu envie de faire cette émission ? C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dans la télé, dans les journaux, parler des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Et suivant les faits divers, il y a un emballement médiatique régulier autour de la figure de l'étranger sous OQTF et sur le fait qu'il serait difficile d'expulser les gens qui sont sous OQTF, avec l'idée qu'on vivrait au milieu... de personnes qui représenteraient un danger pour notre sécurité et qu'il faudrait donc durcir les expulsions et les lois. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans tout ce discours médiatique, on n'entend pas grand monde qui tient des positions contraires à ça, quoi. C'est comme s'il y avait un peu un consensus dans toutes les personnes qui prennent la parole, y compris... pas mal de personnes de gauche qui peuvent tenir aussi un peu ce genre de discours qu'il y aurait les bons étrangers et les mauvais et que ceux qui font qui seraient condamnés ou qui feraient du grabuge, faudrait les expulser et que c'est le non-respect des OQTF le problème. Du coup, voilà, ça nous a donné envie de faire cette émission sur la double peine. Et pour commencer, je vais essayer d'expliquer de façon un peu synthétique quelles sont les mesures d'éloignement qui existent pour faciliter une expulsion, parce que ce n'est pas toujours très clair. Du coup, je vais essayer d'être un peu synthétique et de ne pas me noyer dans les détails non plus pour que tout le monde puisse un peu suivre. Donc, parmi ces mesures d'éloignement, qui existent, il y en a beaucoup qui sont des mesures administratives. Donc, une mesure administrative, c'est une mesure qui est prise par une autorité administrative, contrairement à une mesure judiciaire qui est prise par un juge. Donc, en ce qui concerne le droit au séjour, généralement, les mesures administratives, elles sont prises soit par le préfet, soit par le ministre de l'Intérieur. À savoir que parmi ces mesures administratives qui peuvent être prises pour faciliter une expulsion, il y en a certaines qui s'adressent aux personnes étrangères sans papier et certaines qui s'adressent aux personnes étrangères avec papier, contrairement aussi à une idée répandue qu'une personne qui serait en situation régulière ne pourrait pas être expulsée. Donc déjà, il y a l'arrêté préfectoral d'expulsion, APE, et l'arrêté ministériel d'expulsion, AME, qui sont des arrêtés qui sont pris soit par le préfet pour l'APE, soit par le ministre de l'Intérieur dans le cas de l'AME, et qui permettent d'expulser un étranger, y compris un étranger en situation irrégulière, donc qu'un visa ou qu'un titre de séjour, quand l'autorité estime qu'elle représente une menace grave pour l'ordre public ou pour la sûreté de l'État. Pour cette mesure administrative, il n'y a pas besoin que la personne ait été condamnée par un juge, comme c'est une décision administrative, pour recevoir une APE ou une AME. Donc il y a aussi des personnes qui reçoivent ces arrêtés d'expulsion sans être passées devant un juge à aucun moment. Donc la personne concernée, elle va être convoquée devant une commission qui va rendre un avis consultatif où la personne elle va pouvoir se défendre si elle le souhaite, mais à la fin, c'est le préfet ou le ministre de l'Intérieur qui va prendre la décision de délivrer ou non cet arrêté d'expulsion. La personne, si elle se voit délivrer un APE ou un AME, elle peut soit être directement expulsée, soit placée en assignation à résidence dans l'attente de son expulsion. Donc, c'est... très contraignant, quoi. Et en 2022, il y a eu 344 arrêtés d'expulsion, d'après les chiffres qui sont communiqués. Donc ça, l'APE, l'AME, c'est une mesure administrative qui s'adresse donc, comme je disais, soit aux personnes, quelle que soit leur situation administrative. Pour les personnes en situation irrégulière, qui n'ont pas de papier, il existe également l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, donc qui existe depuis 2006. Ça, c'est celle dont on entend beaucoup parler dans les médias. Et c'est une mesure administrative qui est prise par le préfet, où va y avoir un délai de départ volontaire qui va être donné à la personne et où ça va faciliter les possibilités de l'expulser si elle se fait arrêter après sans avoir respecté son OQTF, c'est-à-dire sans être partie d'elle-même. Sachant qu'une personne, quand elle se voit mettre une OQTF, elle peut aussi être placée en CRA, mais si elle n'est pas placée en CRA, donc en centre de rétention, mais qu'elle est laissée libre, ça va faciliter son placement en CRA en cas de nouveau contrôle. Avant l'OQTF, elle pouvait être mise en exécution pendant un an. C'est aussi une période durant laquelle la personne elle pouvait pas déposer de demande de titre de séjour, sauf si elle faisait abroger son OQTF ou si elle était en recours. Et depuis l'adoption de la loi Darmanin en 2024, désormais l'OQTF elle a monté à une durée de 3 ans. Depuis quelques années, les OQTF elles sont de plus en plus systématiquement associées à la délivrance d'une IRTF, une interdiction de retour sur le territoire français. Du coup, ça aussi, c'est une mesure administrative qui est délivrée du coup, en même temps que l'OQTF. C'est des mesures qui existent depuis 2011, qui sont aussi données par le préfet et qui fait que durant un certain nombre d'années, donc généralement 2, 3 ou 5 ans, la personne, une fois qu'elle a quitté la France ou qu'elle a été expulsée, elle ne peut pas redemander un visa pour revenir dans l'espace Schengen. Ça s'adresse à tout l'espace Schengen. L'OQTF, elle dure 3 ans aujourd'hui, mais l'IRTF, elle a son... Donc, 3 ans à partir du moment où elle est notifiée à la personne. Mais l'IRTF, elle est... L'IRTF, elle commence pas au moment où elle est notifiée à la personne, son délai, enfin les années dont je parlais, mais à partir du moment où la personne prouve qu'elle a quitté l'espace Schengen. Ce qui fait que... ça va beaucoup compliquer sa vie en France parce que du coup, en se maintenant en France, ça ne va pas être possible de redéposer une demande de titre de séjour pendant... ça ne va pas être possible de demander un titre de séjour sauf à faire abroger ou annuler l'IRTF, ce qui existe, mais bon, on imagine bien que c'est compliqué. Les OQTF et IRTF, elles sont délivrées soit lorsque la personne a un refus de titre de séjour ou de demande d'asile, soit après une garde à vue. C'est possible de faire des recours contre ces mesures, les OQTF et les IRTF, mais c'est des recours qui aboutissent difficilement et en plus, les délais pour pouvoir faire recours, ils sont très courts. Par exemple, après une garde à vue, le délai, il dure 48 heures et après, c'est plus possible de faire un recours, enfin en tout cas pas un recours au tribunal administratif. Et c'est écrit sur un document qui n'est pas clair du tout, ce qui est aussi fait exprès pour que les personnes ne puissent pas faire les recours effectivement. Et pour les personnes placées en centre de rétention ou qui sont incarcérées, parce que du coup, il y a un certain nombre de personnes étrangères qui sont incarcérées, qui reçoivent une OQTF, là aussi, c'est que 48 heures pour faire un recours. Donc, on imagine bien qu'en tôle... pour les prisons, c'est quasiment impossible de faire un recours en 48 heures après son incarcération. En 2022, il y a environ 134 280 OQTF qui ont été délivrés, donc quasi systématiquement des IRTF avec, même si je n'ai pas les chiffres. 41% c'était pour entrée ou maintien irrégulier sur le territoire, 45% pour un refus de titre de séjour ou de demande d'asile et 7% sur le motif de menace à l'ordre public. Voilà, donc ça c'est pour les OQTF IRTF. J'espère que je ne perds pas tout le monde. du coup, quand on parle de la double peine, on parle aussi des ITF, donc les interdictions de territoire français. Là, on n'est plus dans une mesure administrative, mais dans une mesure judiciaire. Du coup, ça veut dire que l'ITF, elle est délivrée par un juge lors d'un procès et c'est une peine qui s'ajoute à une autre peine, comme une peine de prison. Cette peine, elle peut être délivrée aux personnes étrangères, qu'elles soient en situation régulière ou non. donc y compris à des personnes avec des titres de séjour. Et la personne, du coup, elle doit partir et elle ne peut pas revenir en France une fois qu'elle a une ITF. Et du coup, c'est pour ça que c'est ce qui était appelé à une période la double peine dans la période dont on va parler tout à l'heure, étant donné que c'était une peine supplémentaire à une autre peine qui pouvait être délivrée uniquement aux étrangers. En 2022, il y a 2051 ITF qui ont été délivrés. Et du coup, pendant toute, dans les années 1980 à 2000, du coup, ce qui était appelé double peine par les personnes qui luttaient contre, c'était les ITF qui étaient donnés par des juges au pénal. Et voilà, nous, on avait un peu envie de défendre aussi le discours que l'OQTF et l'IRTF, ça peut aussi être considéré comme une double peine. Parce qu'aujourd'hui, ces décisions administratives, elles sont de plus en plus utilisées comme des peines à part entière. Les personnes qui vont être arrêtées, il y en a beaucoup qui vont ne pas être poursuivies pour le motif qui a servi à justifier l'arrestation, par exemple pour un vol ou une bagarre, mais qui, en sortant de garde à vue, même sans poursuite, vont recevoir une OQTF et une IRTF sur le truc de l'ordre public ou voilà, le trouble à l'ordre public. Et dans le même ordre d'idée, avec la loi Darmanin de 2024, il y a de plus en plus de possibilités pour les préfets de refuser de délivrer des cartes de séjour, donc soit des premières cartes de séjour, soit de renouveler les cartes de séjour pour les personnes au motif de troubles à l'ordre public, de menaces à l'ordre public. Et c'est une notion très floue, on ne sait pas vraiment ce que ça recoupe, ou ça va être laissé à l'appréciation de la préfecture. Et du coup, toutes ces menaces de recevoir une OQTF ou une IRTF au moindre contrôle ou à la moindre arrestation et toutes les menaces de retrait de titre de séjour ou de non-renouvellement, ça va être utilisé pour punir les personnes étrangères avec ou sans papier. Ça va être brandi comme une menace pour qu'elles se tiennent tranquilles et qu'elles ne fassent pas de vagues. Voilà, du coup... Au-delà de l'ITF qui est vraiment donné, délivré par un juge en tant que peine, nous on estime aussi que toutes ces mesures administratives qui facilitent les éloignements, c'est aussi, ça sert aussi à maintenir un certain ordre sur les gens, quoi. Avant qu'on passe à l'historique des luttes et de la mise en place de toutes ces mesures d'éloignement et de voilà, l'historique des luttes autour de la double peine, je vais revenir un peu sur le traitement médiatique et politique des OQTF dont a un petit peu parlé déjà Alix. Je pense que c'est important de dire que aujourd'hui, il y a environ 140 000 OQTF qui sont... délivrés par an en 2010 c'était 40 000. Donc il y a eu une très grosse augmentation ces dernières années. Ce qui va dans le contexte d'un durcissement des politiques migratoires et le fait que le mot même OQTF, hein, le sigle OQTF, c'est un mot qui revient beaucoup dans les médias avec des phrases telles que « un étranger sous OQTF a commis tel crime, tel délit », sous-entendu « ça n'aurait pas dû arriver car il n'aurait pas dû être sur le territoire ». Et on a aussi une tension, un sujet politique qui revient souvent entre au sujet du nombre d'OQTF prononcé, donc 140 000 par an, mis en rapport avec le nombre exécuté qui est en 2023 de 7% environ. En fait, beaucoup ne sont pas exécutables pour des raisons familiales, humanitaires ou simplement parce que le pays d'origine ne délivre pas de laissez-passer consulaire permettant l'expulsion une fois que la personne est par exemple en CRA et que la France veut l'expulser. Toutes ces mesures d'interdiction du territoire français, elles sont réunies sous le terme un peu mignon de éloignement, alors qu'en fait elles s'apparentent plus à des déportations où on force les gens à monter dans des avions dans des conditions archi-violentes quand ils sont arrêtés. S'ils ne sont pas arrêtés, ils vivent pendant plusieurs années avec la peur de se faire contrôler. Un exemple de durcissement de ces politiques-là et de l'augmentation du nombre des OQTF, c'est il y a deux jours le cas d'une membre de l'association Accept ST, qui est donc Luna, une femme péruvienne qui vit en France depuis 14 ans, où elle a l'accès à un traitement pour le VIH, ce qui n'est pas le cas au Pérou. Ce qui ne serait pas possible au Pérou dans les mêmes conditions. Et elle s'est vue délivrer récemment une OQTF. Et l'association fait par ailleurs état de l'augmentation du nombre d'OQTF délivrés aux femmes trans et séropositives. Donc là, il y a une lutte qui est en train de se mettre en place pour la soutenir. Donc voilà, je disais de manière générale que c'est un sujet instrumentalisé par les politiques pour demander un durcissement de la politique migratoire. Avec une presse réactionnaire qui est soudainement très intéressée par les affaires de viol et de violences sexuelles, dont elle fait bien moins cas quand elles sont commises par des Français de France blanc. Donc on a une confusion volontairement, et on a aussi une confusion volontairement entretenue entre faire l'objet d'une QTF et avoir été condamné pour un délit ou un crime. Avec dans le discours médiatique le fait d'être sous OQTF, c'est déjà être désigné comme un indésirable. Cette surenchère dans tous les sens, elle donne aussi lieu à des annonces politiques et des modifications de loi, des petits calculs politiciens qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec la réalité de la migration, de pourquoi les gens sont en France, depuis combien de temps, pourquoi ils sont venus... aussi dans un historique de colonisation de certains pays avec la France. La plupart dans les chiffres des OQTF, ça concerne d'abord des Algériens et des Marocains, pour donner un exemple. Et que ces personnes sont présentes en France aussi pour servir de main-d'œuvre pas chère, ce qui arrange beaucoup l'économie française, quoi. Et donc voilà, on a cette surenchère de faut appliquer les OQTF, etc. Et donc Macron qui propose en 2022 qu'elle soit appliquée à un taux de 100%, alors qu'en fait c'est impossible et c'est pas souhaitable. Alors que la France est déjà le pays qui exécute le plus grand nombre de départs forcés dans l'Union européenne. Peut-être. Avant de continuer, on écoute un peu de musique ou vous voulez réagir? Et du coup, on va écouter la carte de résidence de Mousse et Hakim. D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Il a warren des boutiques. Il a warren des boutiques. Qu'on laisse de les conférences. Qu'on laisse de les conférences pour étudier tous les sens. Le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages. C'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France. C'est la raison d'espérance. Il y a de la chance. Au Canest, il y a de la chance. Mais c'est la résidence. Les conversations, le chômage, l'immigration. Et après les élections, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence. Echaïla yagen shkour, fitbul tazis nam l'amour. Mais il a ismen safar, azran la différence. Azran la différence. La résidence. Quand il est dur, c'est pour les migrés bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et des souffrances. dévouement et des souffrances, ça mérite la récompense. Alors on خدم شي طوح في كان عزيز ما نروح ما الا يزم غنروح. Il faut subir les conséquences, il faut subir les conséquences, il y aura plus de ruminance. Après tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence, le soleil en permanence, le soleil en permanence. Pour moi ça a de l'importance. C'est un droit de l'aïté, je t'écoute ta mort, t'es fergé. Je rappelle des filles de fric, et de mener à mes d'avance, et de mener à mes d'avance jusqu'à la fin de l'existence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France, ont combattu pour la France bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France, ont combattu pour la France bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France bien avant la résidence. Du coup, vous êtes toujours sur, dans l'émission Carapatage sur Radio Libertaire 89.4 FM. Et ce soir, on est en train de parler de la double peine. Et Yentl, tu voulais réagir par rapport à ça? Oui, pour réagir très vite fait sur l'instrumentalisation des OQTF, notamment par rapport aux violences sexistes. Il y a le fait que les femmes sans papier, elles sont souvent invisibilisées. Et que ça arrive que quand une femme qui n'a pas de papier doit se rendre au commissariat pour porter plainte pour des violences conjugales, des violences sexistes, en fait les flics appellent la préf pour leur signaler que c'est une personne sans papier et qu'elle ressorte avec une OQTF et pas de protection et c'est tout. Et ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Et pour la suite de l'émission, on va lire une petite chronique de la Sellette sur l'ITF, du coup l'interdiction de territoire français. Ouais, c'est un exemple d'une condamnation assortie d'une UTF dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Toulouse, chambre des comparutions immédiates, janvier 2024. Après un mois de détention provisoire parce qu'il avait demandé un délai pour préparer sa défense, Tarek D comparé pour vol, rébellion, violence volontaire contre deux gendarmes. 3 jours d'interruption totale de travail pour l'un, aucun pour l'autre, et maintien irrégulier sur le territoire. En décembre dernier, il a volé chez Carrefour une banane, une clémentine, un peigne, de la crème hydratante et du bain de bouche. La sécurité a appelé les gendarmes, dont le président vante la bienveillance parce qu'ils n'ont pas menotté tout de suite le prévenu. Et pourtant, l'ingrat en a profité pour essayer de s'enfuir. L'interprète traduit ses explications. « J'ai eu peur parce que j'ai déjà été incarcéré et je me suis dit qu'ils allaient me prendre pour un criminel. Ce qui agace le président, c'est que le prévenu ne reconnaisse pas les violences. Il y a un gendarme qui a une côte cassée et l'autre qui présente une trace de morsure sur l'avant-bras. Vous l'avez mordu sans faire exprès peut-être ? Je n'arrivais pas à respirer, je me suis débattue. Quand les gendarmes ont l'amabilité de ne pas vous menotter, on ne les mord pas. Par ailleurs, vous avez passé 40 jours en prison pour un vol l'année dernière. Vous êtes sorti en août et on vous retrouve en train de voler en décembre. Du point de vue de votre situation administrative, vous avez une obligation de quitter le territoire français. » Le juge s'adresse au traducteur. Il a bien compris qu'il ne veut pas rester ici. Tarek D répond qu'il veut faire des études. Il s'inscrira à la fac à Alger. Bon, et maintenant il peut s'asseoir. L'interprète traduit, le président commente. Même ça, il ne comprend pas. L'avocat des gendarmes est excédé que le prévenu se plaigne d'avoir été maltraité. D'expérience, tout se passe toujours bien quand les prévenus se conduisent correctement. Au moment d'évoquer le préjudice, il se fait grave. Monsieur T a dû regarder ses enfants dans les yeux et leur annoncer « Cette année, je ne pourrai pas venir au ski avec vous. » Là-dessus, il demande 1 600 € par gendarme pour leur préjudice moral et 500 € pour les frais d'avocat. La procureure est à l'unisson. Il est insupportable de voir des individus contester l'autorité des gendarmes. Monsieur n'a visiblement pas tiré les leçons de son passage dans les prisons françaises. Je demande donc une peine sévère. 12 mois d'incarcération et 5 ans d'interdiction du territoire. Pour illustrer le fait que Tarek D n'a pas volontairement blessé les policiers, l'avocate de la défense cite les déclarations des gendarmes. En voyant qu'il voulait s'enfuir, nous l'avons maintenu au sol avec mon collègue pour lui mettre les menottes. Pendant qu'il se débattait, j'ai reçu des coups dans les côtes. Peu importe. Après une courte suspension, le prévenu est condamné à 1 an de prison, maintenu en détention et interdit de territoire pendant 5 ans. Il devra aussi verser 1 000 € à chaque gendarme en plus de leurs frais d'avocat. Voilà, ben merci. Ça montre un peu comment les ITF, ça peut être délivré. On va mettre cette chronique de toute façon sur notre blog si vous voulez la relire à carapatage.noblogs.org. Et on va parler du coup des luttes qui ont eu lieu contre la double peine et de comment les ITF sont apparus. Puisque du coup, alors... création, puis à un moment leur multiplication surtout, ça a aussi été accompagné de résistance et de lutte pour essayer qu'il y ait le moins d'expulsions possible. Et du coup, comme tu vas nous parler un petit peu de comment, refaire un peu un historique sur les ITF. Ouais, donc pendant l'Ancien Régime, il n'y avait pas de peine d'éloignement. Du coup, de peine, là on est sur l'ITF, du coup vraiment sur la question des condamnations pénales, quoi. Donc il n'y avait pas de peine d'éloignement du territoire qui était spécifique pour les étrangers et étrangères. Il y avait la peine de bannissement qui existait, mais qui s'appliquait indistinctement aux Français et Françaises et aux étrangers et étrangères. Et c'est au 19e siècle qu'il y a les premières peines spécifiques aux étrangers qui sont apparues. Et le terme d'interdiction du territoire français, apparemment, il a été introduit en 1893. Après, au moment de la guerre d'Algérie, l'ITF a été rendu possible pour tout étranger reconnu coupable de port d'armes lors d'une manifestation. Alors que jusqu'ici, ces ITF sanctionnaient seulement des infractions à la législation du séjour des étrangers et étrangères, ou des atteintes à l'intérêt national. Ensuite, en 70, il y a la loi dite Chalandon qui développe considérablement l'ITF puisqu'elle rend possible de la prononcer pour des personnes condamnées pour des faits liés aux stupéfiants et même pour un simple usage de stupéfiants. Et du coup, d'ailleurs, c'est la date un peu qui est donnée comme la vraie apparition de l'ITF, quoi. Enfin, qui a été retenu comme l'introduction de l'ITF dans le droit français, même si, voilà, ça, comme j'ai dit, ça existait déjà avant. Et après ça, il y a des luttes qui vont amener le débat sur l'ITF dans le contexte électoral avant les élections de 81. Du coup, déjà en 80, il y a quelqu'un qui s'appelle Ali à Colombes qui s'immole par le feu à la gare, qui vient de Colombes et qui s'immole par le feu à la gare de Saint-Lazare, à une heure de grande influence, contre l'ITF. Et l'action la plus connue de cette époque en 80, c'est la grève de la faim aux Minguettes, dont Alix va nous parler. Ouais, le 2 avril 1981, il y a un début de. C'est le début d'une grève de la faim qui va durer jusqu'au 30 avril, donc quasiment un mois, de Christian Delorme, qui est prêtre, et de Jean Costil, qui est un pasteur responsable de la CIMADE, rejoint rapidement par Hamid Boukrouma, qui était condamné à la double peine. Donc cette grève de la faim, en avril 81, elle a lieu en pleine période électorale pour l'élection présidentielle, et elle est très vite médiatisée. Donc on peut penser que c'est un peu en raison de la personnalité du prêtre Delorme, qui est relativement connu pour ses engagements qui facilitent l'écho médiatique. Parce qu'on ne va pas se mentir, les grèves de la faim, elles n'ont pas toutes toujours un gros écho médiatique, malheureusement. Et du coup, dès le début, ce qui est au cœur de cette grève, c'est d'obtenir un changement législatif. Ce qui est mis en avant, en tout cas par les trois grévistes, c'est d'obtenir un changement législatif et non pas de trouver une solution pour des situations individuelles. Et ce qui est demandé, c'est notamment l'adoption d'une circulaire qui ferait que les jeunes étrangers nés en France ou ayant passé plus de la moitié de leur vie en France ne puissent pas être expulsés. Donc à l'époque, ça concerne surtout des Algériens parce que du coup, les jeunes nés après 1963 en France ou dont les parents ayant choisi la nationalité algérienne, ils ne pouvaient pas être expulsés, tandis que ceux nés en Algérie après 1963 ou dont les parents ont choisi la nationalité algérienne, pardon, ceux qui avaient, dont les parents avaient choisi la nationalité française, je crois que je me suis trompée quand j'ai dit, ne pouvaient pas être expulsés, et ceux dont les parents avaient choisi la nationalité algérienne pouvaient l'être. Et du coup, ce qui a été mis en avant quand dans tous les débats et tous les échos autour de cette grève, c'est beaucoup le déchirement des familles, puisque du coup, parfois, au sein d'une même famille, il pouvait y avoir des jeunes qui étaient protégés contre l'expulsion et des jeunes qui ne l'étaient pas, et les implications que ça pouvait avoir sur la vie des jeunes, d'être expulsés pour, quand parfois ils n'avaient jamais mis un pied dans le pays où ils étaient envoyés. Et aussi, ce qui est mis en avant, c'est la situation de ceux qui reviennent, puisque même si les gens ils ont des interdictions de territoire français, enfin, de toute façon, comme toutes les mesures qui leur interdisent d'être là, c'est pas parce qu'il y en a une qu'ils ne reviennent pas forcément et qu'ils ne se maintiennent pas sur le territoire. Et du coup, bah, la situation dans laquelle des jeunes qui étaient nés en France ou qui avaient passé une grande partie de leur vie en France se retrouvaient en étant sans papier du fait de l'ITF. En parallèle de la grève de la faim, il va y avoir un manifeste contre la France de l'apartheid qui va être signé par une cinquantaine de personnalités. Et du coup, tout ce mouvement autour de cette grève, ouais, je voulais un peu mettre en avant ce qui avait été mis en avant à ce moment-là, parce que ça commence quand même, ça fait aussi quand même des différenciations entre... Enfin voilà, ce qui est mis, c'est des répercussions terribles qui sont vraies pour un certain nombre de personnes, mais du coup, ça va être de mettre l'accent sur ces situations-là pour faire apparaître l'ITF comme quelque chose d'inhumain. Il y a cette grève, du coup, de la faim, qui va se terminer fin avril, et avec le nouveau gouvernement socialiste qui s'engage à ce moment-là, qui est un peu obligé, ça pousse quand même le gouvernement, enfin ça pousse le futur gouvernement à s'engager un peu à des trucs pendant la période des élections, et notamment de faire revenir les expulsés au sein de leur famille et de suspendre les expulsions en cours, ce qui ne sera pas tout à fait ce qui va se passer par la suite. Et avant d'arriver, du coup, il y a les... Il y a ce nouveau gouvernement qui est élu. L'été 1981, aux Minguettes, donc les Minguettes, c'est à Vénissieux, en banlieue lyonnaise, je ne sais plus si on l'a dit, donc 2 mois après l'élection de François Mitterrand, il y a aussi, pendant plusieurs nuits, des rodéos de voitures volées, des gros affrontements entre les jeunes et la police. Il y a des images qui sont prises de ces affrontements et de ces rodéos, et qui ont été très diffusées dans les médias, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore trop d'images d'affrontements jeunes police qui avaient... C'était pas habituel que ça soit beaucoup montré dans les médias avant ce qui s'est passé aux Minguettes. Et il y a les flics qui finiront par mettre en place des barrages systématiques au pied des tours pour faire revenir l'ordre, du coup, dans l'été 81. Et du coup, voilà. Enfin, c'est une période où, en tout cas, la période électorale, ça sert aussi à faire vivre des luttes. Mais il y a à la fois les luttes de... Enfin, cette grève de la faim qui est très connue et qui reste un peu comme un événement marquant qui a permis d'obtenir certaines avancées. Mais il y a aussi tout ce contexte explosif aux Minguettes qui va jouer aussi dans la balance, quoi. Et tout ça, du coup, ça va mener en octobre 81 au vote d'une loi qui institue des catégories protégées contre l'expulsion. Mais ça ne concerne pas les ITF, ça concerne seulement les mesures administratives, du coup les AME. Et du coup, ça protège une partie des personnes étrangères qui ne peuvent pas faire l'objet d'une AME. Et du coup, c'est les mineurs, les conjoints ou parents de Français, ceux qui résident en France de façon habituelle depuis l'âge de 10 ans ou depuis plus de 15 ans. Et ces catégories protégées vont être remises en cause 5 ans plus tard, en 86, par la première loi Pasqua, qui les supprime, pour ensuite être remise en place en 89 par la loi Jox. Et voilà pour ce qui en est avant le début des années 90, par rapport du coup à la fin des années 90, il y a ces catégories protégées qui existent, mais seulement pour les mesures administratives du type arrêté ministériel d'expulsion et pas pour les ITF. Et ouais, avant de passer à la suite, juste préciser, du coup, il y a aussi donc du coup des luttes avec ces nouvelles lois, des grèves de la faim encore, des luttes menées par des assos, différents trucs. Mais déjà en 1989, au moment de la loi Jox, c'est une période où il y a aussi toute une montée du Front National et des discours du Front National. Et il y a déjà des trucs qu'on peut entendre aujourd'hui dans certaines associations, mais il commence à y avoir un petit peu un clivage avec des gens qui vont commencer à dire on peut pas défendre des violeurs. Enfin, le truc qui était avant contre la double peine, quand même marqué de la double peine, le principe même, ça va pas. Ça, c'est de plus en plus le discours, il commence à être de plus en plus flou et de moins en moins clair sur une opposition nette, même si il a jamais été 100% clair, mais on sent de plus en plus des dissensions qui apparaissent, quoi, du côté des assos notamment. Avant de passer aux années 90, on va s'écouter Veneno de la Dame Blanche. Voy a romperme la garganta, mi corazón ya no aguanta. No comimos la manzana, saborea su veneno. Dios, tenga piedad de desenfreno. Prego, ángeles guardianes, vengan, cubran el terreno. Que quiero besarte y tocarte el pelo, aunque la manzana tenga su veneno, porque mis alas son difíciles de cortar. Pam pam pam, ey. Esta boca es difícil de callar. Pam pam pam, ey. Yo, la tierra tiembla, carece, lloran mis ojos, padecen. Esto no termina nunca. ¿Y qué te parece? Se transformó la avaricia en una simple caricia, la magia de una sonrisa y hasta la brisa. Sin prisa vamos, sin prisa, la vida juega de dicha por el que no tuvo suerte y por su ceniza. Ten esperanza, realiza, piénsalo bien, organiza, revisa. Como el que pide una misa, porque mis alas son difíciles de cortar. Ey, esta boca es difícil de callar. Yo, se desató la pudiente, la más brava entre las bravas. Ella le dice la muerte va a la canalla. Si quieres saber quién soy, asómate a la ventana. Todo lo premedité. No tengo hermano ni hermana, no tengo amigo ni amiga, ni aliado ni aliada. La muerte camina errante por las calles desoladas. Ey, porque mis alas son difíciles. Vous êtes toujours sur Carapatage, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Et on était en train de parler de la double peine et des luttes contre la double peine. Et donc, on en est au moment des années 90. Et qui est le début des années 90, marqué par la création du Comité National contre la double peine, le CNCDP, que tu vas dont tu vas nous parler. Oui, alors comme je disais avant qu'on écoute un peu de musique, donc à la fin des années 80, enfin en 89, commence à y avoir un peu des voix discordantes, donc c'est pas officiel, hein, y a pas une asso qui dit qu'il faut abandonner la lutte contre les ITF ou contre la double peine, mais au sein, on va dire, c'est plutôt au sein des structures que commence à y avoir un peu des doutes sur la pertinence du combat. Et au début des 1990, il y a plusieurs expulsables, du coup, qui avaient été condamnés à la double peine, qui sortent de tôle. Donc, notamment Mohamed Hossine des Mureaux, qui est un jeune Algérien né en France, et Boualem, père d'enfant français, qui était du coup lui aussi condamné à la double peine, qui font un peu le tour des associations pour chercher de l'aide pour faire sauter leur ITF. Mais ils trouvent porte close. Soit on leur explique que leur cas n'est pas défendable, soit que les associations ne savent pas faire et ne sont pas compétentes là-dessus. Et du coup, ils vont décider de s'organiser autrement et ils vont se rapprocher de collectifs qui avaient été formés autour du mouvement Beur dans la décennie précédente. Parce que bah, la décennie précédente, on n'en a pas parlé, mais en 83, il y a aussi la marche de l'égalité contre le racisme. Du coup, ces luttes contre la double peine, elles sont aussi liées à d'autres luttes du mouvement immigré à la même époque. Et du coup, autour, autour de 1983, il y avait pas mal d'associations ou collectifs autour de lutte de l'immigration. Du coup, ils vont plutôt se rapprocher de ces collectifs en voyant la porte close des associations et aussi se rapprocher du mouvement squat et des mouvements de mal logés autour de la place de la Réunion. C'est comme ça qu'ils vont créer le Comité National contre la double peine, du coup le CNDP. Qui va participer aussi aux émissions de Parloir Libre, qui est une émission de radio qui est à l'époque très écoutée par les détenus. Et en plus du CNDP, ils vont peu après aussi fonder l'association de soutien aux expulsés à leur famille, l'AZEF. Et du coup, l'objectif du CNDP et de l'AZEF, c'est de donner une dimension collective aux démarches de recours contre les ITF, à la fois pour mutualiser les frais, parce que ça coûte quand même de l'argent, tous ces recours, ça, on n'en a pas trop parlé, mais généralement, les recours contre les mesures d'éloignement, il faut quand même qu'il y ait un avocat, c'est très technique, très juridique, et tout ça, ça coûte de la thune. En plus de mutualiser les frais, aussi pour mettre la question de la double peine sur le terrain de la lutte politique. Une des choses qu'ils vont faire, c'est que ça va pousser les grosses associations plus institutionnelles à se positionner de nouveau sur le sujet. Et du coup, il y a des assos comme le MRAP, la CIMAD, la FASTIL, GISTI, qui vont fonder un collectif d'associations contre la double peine et qui vont rejoindre le CNDP. Ce collectif d'associations, il va se regrouper autour d'une plateforme commune qui demande l'abrogation des expulsions antérieures, l'abrogation de l'article sur l'urgence absolue, parce que du coup, il y avait des catégories protégées, comme on disait tout à l'heure, mais ces catégories protégées, face à certaines situations, notamment les condamnations plus de un an, elles étaient plus tant protégées que ça. Ça va aussi demander, cette plateforme, la grâce collective pour les catégories protégées, du coup, qui sont condamnées à une ITF au nom de cette urgence absolue. Voilà. Et du coup, il y a plusieurs actions qui vont être lancées par le CNDP, entre autres l'occupation de SOS Racisme, Parce que, voilà, comme je disais, leur but, c'est aussi de forcer les grosses assos à se positionner sur le sujet. Et du coup, celles qui sont frileuses à se positionner comme SOS Racisme, du coup, elles vont être occupées. Va y avoir voilà, tout un tas d'actions qui vont être faites et va aussi avoir des débuts de dossiers déposés avec certaines petites réponses positives sur des trucs individuels, des gens qui vont avoir par exemple le droit de travailler pendant leur assignation à résidence en attendant le réexamen de l'ITF, des choses comme ça. Il va y avoir aussi plusieurs rencontres avec le ministre de la Justice, donc là je parle des assos hein, qui vont rencontrer le ministre de la Justice, pour essayer d'obtenir des avancées législatives sur le sujet. Et du coup, début 92, il y a une nouvelle loi, la loi Sapin, qui applique les catégories protégées qui s'appliquaient pour l'AME, qui les applique pour les interdictions territoire français, du coup pour les personnes condamnées en justice. Ouais, et juste après du coup cette loi, il y a une grève de la faim qui est lancée, parce que du coup, par rapport aux revendications que je venais de dire, c'est jugé très inférieur par rapport à ce qui était attendu par le mouvement de lutte, cette loi. Voilà, parce que notamment ça laisse tout ce qui est... Enfin, toutes des exclusions, à la fois, il y a des catégories... En fait, c'est un peu toujours la même chose, j'ai l'impression, en droit des étrangers. À la fois, ils vont faire un peu des trucs où ça va protéger certaines personnes, mais à la fois, ça va multiplier les délits pour lesquels on peut être condamné. Ça, c'est après. Okay. Enfin. Bah, surtout, ils demandaient, j'ai l'impression, à ce que des ITF qui avaient déjà été mises en application soient annulées. Et je pense que c'est un des gros trucs qu'ils n'ont pas obtenu. C'est que les gens qui avaient déjà été expulsés, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Enfin, ils n'ont rien... Enfin, okay. Du coup, des gens qui auraient été protégés avec cette nouvelle loi et qui avaient déjà été expulsés, ils ont pas... Il n'y a pas eu de suspension des expulsions. Enfin, je crois que c'est un des trucs qui... Ouais, il n'y a pas eu de retour... Ok, désolée, j'ai confondu. Du coup, en tout cas, juste après du coup, la... promulgation de cette loi, il y a des grèves de la faim qui vont être lancées, donc toujours par ce même mouvement du CNDP avec les associations. Et du coup, il y a une grève de la faim qui est lancée le 2 janvier 1992 dans les locaux de la CIMADE à Paris, avec 19 grévistes. Et c'est des grèves de la faim qui vont aussi être un peu... avoir aussi de l'écho, parce qu'il va y avoir dans d'autres villes d'autres gens qui vont se mettre en grève de la faim aussi. Donc 5 grévistes à Lyon, par exemple, du 14 janvier au 8 février. À Lille, va y avoir un jeune de solidarité les 22 et 23 janvier. Et va y avoir aussi à Fresnes, du coup dans la tôle de Fresnes, Ahmed Bouquet et Chouche, sous le coup d'une expulsion, qui va aussi se mettre en grève de la faim. Va y avoir une soixantaine de femmes qui vont se mettre en grève par solidarité à la MAF de Fleury. Et du coup, voilà, il y a vraiment tout aussi, des liens qui sont faits avec l'intérieur des prisons et les personnes soit condamnées à une ITF, soit proches de gens condamnés à une ITF qui vont se bouger aussi à l'intérieur. Et va y avoir une action des femmes dehors en solidarité avec les prisonniers grévistes envoyés à l'isolement. Cette mobilisation des proches, elle va aussi avoir de l'écho médiatique et changer, servir aussi de contre-discours parce que on imagine bien que les prisonniers qui étaient en grève de la faim, ils étaient assez déshumanisés. Dans les médias, quoi. Enfin, c'était un peu vu comme des délinquants qui se mettent en grève de la faim parce qu'ils veulent pas être expulsés alors qu'ils ont fauté, quoi. Donc la mobilisation des proches, ça change aussi un peu l'image. Va y avoir beaucoup de manifs devant le Comico de Barbès, au tribunal administratif de Créteil, lorsqu'il y avait quelqu'un qui comparaissait pour refus d'embarquer. Voilà. Et cette grève de la faim, elle va durer 52 jours. Et elle va cesser après que certains grévistes aient reçu une abrogation de leur arrêté d'expulsion ou la fin de leur assignation à résidence. Mais ça ne sera pas la totalité des grévistes. Il y en a certains qui avaient refusé des refus et de l'abrogation de leur arrêté d'expulsion. Voilà, donc c'est un peu un gros moment d'action pour le CNDP. Et comme je disais tout à l'heure, tous ces mouvements de lutte autour de la double peine, c'est aussi... Enfin, les gens, ils luttaient aussi dans d'autres trucs, sur d'autres sujets que la double peine. Ça s'inscrit dans un truc plus large de mouvement de l'immigration sur d'autres sujets comme l'accès au logement ou à la santé ou ce genre de choses. Et du côté législatif, en 92, après la loi Sapin, il y a la gauche qui adopte un nouveau code pénal. Et du coup... À la fois, ils reprennent les catégories protégées par la loi Sapin, mais en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils augmentent démesurément le nombre d'infractions pour lesquelles quelqu'un peut se voir condamné à une ITF. Du coup, ça passe à 270 crimes et délits qui peuvent être sanctionnés d'une peine complémentaire d'interdiction de territoire français. Suite à ça, en 93, il y a la loi Pasqua 2 qui supprime une fois de plus les catégories protégées, qui fait en sorte que ce soit hyper compliqué d'obtenir un effacement d'une peine d'ITF. Suite à ça, enfin plus tard, en 2000, il y a une nouvelle campagne nationale contre l'ITF qui s'appelle Une peine point barre, qui est à la base à l'initiative de la CIMAD. Qui veut coordonner les associations qui s'occupent de la double peine, mais à la base sur l'ITF, elle propose juste de revenir aux catégories protégées, ce qui convient pas à d'autres associations, par exemple la LDH, le MRAP, le Logisti, qui eux sont pour la suppression pure et simple de la double peine. Et du coup, après négociation, ils se mettent d'accord pour lancer une campagne contre. Enfin, pour la suppression de la double peine. Et du coup, cette campagne, ça va mener à une commission lancée par Sarkozy sur le sujet, à laquelle vont participer les associations, à part la Ligue des droits de l'homme qui, elle, est écartée du truc. Et du coup, cette commission, elle mène à une loi qui est déposée par Sarko en 2003. Du coup, ça s'appelle la loi de maîtrise de l'immigration et du séjour des étrangers en France. Et du coup, cette loi, elle élargit les protections, les catégories protégées elle remet en place les catégories protégées contre l'ITF. Mais dans le même temps, ça, déjà, ça supprime pas du tout l'ITF. Et en même temps, ça accroît la répression en matière de rétention. Enfin, ça allonge les durées de rétention en CRA. Il y a un délit de mariage de complaisance contre les personnes qui font des mariages blancs. Ou délit d'aide au séjour irrégulier. Du coup, c'est une loi qui est pas du tout... qui est plus répressive qu'autre chose. Mais dans les médias, ça passe comme étant la suppression de l'ITF. Et du coup, un truc hyper, hyper cool... Et ça fait une démobilisation générale du mouvement, et aussi parce qu'il y a des embrouilles, du coup, enfin un éclatement entre les assos qui ont participé à une peine point barre, parce qu'il y en a qui ont accepté le jeu de Sarkozy et d'autres qui l'ont dénoncé, quoi. Notamment le Logisti et la LDH. Et voilà pour ce qui est de la loi de 2003. Et pour finir, de ce que j'ai trouvé la dernière fois qu'il y a eu du changement législatif concernant les interdictions de territoire français, c'était la loi Darmanin, dont on a déjà parlé dans une émission ici de décembre 2023. Du coup, la loi Darmanin, elle date de janvier 2024. Et en ce qui concerne l'ITF, elle étend les exceptions à la protection. Parce que du coup, dans la loi actuellement, les catégories protégées, c'est les personnes qui sont en France depuis au moins 20 ans, les personnes arrivées en France avant leurs 13 ans, les parents ou conjoints d'un Français, Française qui sont en France depuis plus de 10 ans, les personnes qui ont des titres de séjour pour raison de santé. Et sauf qu'il y a des exceptions. Donc pour tout le monde, l'exception, c'est s'il y a des atteintes à la sûreté de l'État. Et il y a une exception qui, avant... concerner les personnes qui étaient protégées du fait d'être parents ou conjoints d'un Français si le crime ou délit avait été commis contre, dans la famille. Et maintenant, si quelqu'un commet, c'est toutes les catégories protégées qui subissent cette exception, c'est-à-dire que quelqu'un qui commet un délit contre quelqu'un de sa famille, même s'il est protégé pour des raisons qui ne sont pas celles de la famille, qui sont par exemple d'être arrivé il y a plus de 20 ans sur le territoire, ils peuvent quand même être expulsés, quoi. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Du coup, il y a des catégories protégées, il y a des exceptions qui font que ces catégories protégées peuvent être expulsées, et la loi Darmanin a étendu les exceptions, quoi, à des catégories qui ne subissaient pas cette exception auparavant. Non, je pense c'est clair. Enfin, de toute façon, c'était tout l'esprit de la loi de Darmanin. Enfin, tout ce qui était dans les discours des gens qui défendaient la loi Darmanin, de gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, et du coup de dire que voilà, il y a des étrangers contre qui il faut sévir, que actuellement il y en a certains qui sont protégés par la loi, et que qu'il faut légiférer pour enlever ces protections là au nom de la sécurité des gens, quoi. Et je pense, bon, on arrive un peu à la fin de notre sujet sur la double peine, mais du coup, voilà, on avait envie de reparler de ces luttes là aussi, même si on n'a pas du tout été exhaustif, parce que bon, c'est quand même 20 ans de lutte, donc on va pas récapituler en 30 minutes. Mais ça donne aussi un peu matière à réfléchir pour aujourd'hui, parce que des fois on se retrouve aussi un peu piégé, parce qu'on va entendre des discours même plutôt de notre camp, de gens qui luttent, qui vont dire mais les OQTF, les sans-papiers, on n'est pas des délinquants, ou ce genre de discours, et on peut comprendre pourquoi les gens, face à tout l'emballement médiatique qu'il y a quand à la télé on te rabâche 24 heures sur 24 que si t'es sans papier, t'es délinquant, bah, t'as envie de faire un discours contre ça. Mais du coup, c'est aussi des fois un peu délicat, parce que du coup, ça, comment est-ce qu'on refait une lutte vraiment contre la double peine et sans rentrer dans ce jeu-là qui finalement fait le jeu de l'État, de il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, quoi. Surtout que c'était déjà le cas avant, mais c'est de plus en plus le cas, que quelqu'un qui a une OQTF, par exemple, est mis dans des conditions de se retrouver à commettre des délits, et notamment par exemple le fait d'être enfermé en centre de rétention. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui se retrouvent avec soit en essayant de s'évader, soit qu'on a pris des trucs de dégradation ou de violence parce qu'ils ont résisté ou quoi. Et surtout là, je sais plus pas de quand ça date, mais ça c'est plus récent, c'est que maintenant il y a le délit de soustraction à une mesure d'éloignement, et du coup ce qui fait que ça rend automatique le fait de, si t'as une OQTF et que tu veux pas être expulsé et que tu fais en sorte de te soustraire à ça, tu deviens un délinquant, tu commets un délit, quoi. Du coup, tu deviens un délinquant, entre guillemets. Et c'est des trucs dont on a déjà parlé, des allers-retours entre les centres de rétention et les prisons. Et d'ailleurs, depuis qu'il y a ce truc de mesure d'éloignement, il parle beaucoup du fait que ça a changé les profils dans les CRA, et que maintenant c'est beaucoup de personnes qui sortent de prison et qui sont des délinquants et tout, mais c'est parce qu'en fait, de fait, les gens ils font des délits en centre de rétention parce qu'ils ont étendu qu'est-ce qui est interdit, et par exemple refuser de prendre son vol pour être expulsé, c'est devenu un délit. Refuser de faire le test PCR, les tests Covid, tous les gens qui refusaient de faire le test pour pas pouvoir être expulsés, c'était un délit. Qu'est-ce qui est autorisé a été restreint, du coup forcément il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en situation délictuelle dans les centres de rétention, et qui se retrouvent à faire des allers-retours entre la prison et le CRA. Du coup, c'est sûr que ces catégories de délinquants ou pas délinquants et tout, elles sont... Enfin, de toute façon, ici, voilà, c'est une émission anticarcérale de base. On pense que c'est abusé de voir le monde comme ça. Mais voilà, en plus, de fait, tout ça, c'est construit de manière quand même très artificielle, quoi. Ouais, et puis pour compléter sur le côté artificiel et tout de ces catégories-là, bah là, tu parlais de plein de choses qui sont aujourd'hui... criminalisés, enfin qui sont considérés comme interdites dans les centres de rétention et tout, mais pareil à l'extérieur où le fait de squatter, il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de contrôle sur l'utilisation des papiers de quelqu'un d'autre pour travailler, enfin plus la loi et la société compliquent la manière de réussir à vivre en n'ayant pas de papiers et ne donnent pas de papiers aux gens. Bah, plus les gens doivent aussi trouver des choses qui sont interdites par la loi pour pouvoir vivre un minimum correctement ici, quoi. Ouais, ça me donnait envie d'ajouter tout à l'heure en écoutant la chronique que tu as lue, Yentl, de la Sellette, qu'on se dit que bah, cette personne, elle va purger sa peine et c'est probable qu'à la sortie de la tôle... elle soit directement conduite en CRA par les flics et enfin voilà directement attendue à la sortie de sa tôle et cette communication entre la préfecture et l'administration pénitentiaire dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions et qui probablement a aussi lieu dans ce genre de cas quoi. Du coup, on arrive à la fin sur la double peine. On va avoir une petite chronique sur Mayotte. Mais avant ça, on va écouter Face à mes torts de UDFA. J'ai pris ses lois comme Jacques Brel, tout oublié comme Angèle. Je fit avec mélancolie, je me fais paquer par mes peines. Mon écriture a le mal de mer, j'écris sur un négrier. Écriture clandestine, on écrit tous en papier. Certains rappeurs ont pris ma place, j'ai la plume couleur Palestine. Au paradis, y'a pas de couleur, vu que les hommes n'ont pas d'origine. Si je me fais tuer par un sniper, mon fils sera sans repère. Je marche comme un orphelin pieds nus, vu que j'ai grandi sans père. Mon héroïne, c'est pas la stup, c'est ma mère et ses prières. Ici, c'est le gun qui t'escorte à l'adresse de ton cimetière. Pourquoi rapper avec le cœur éphémère sur nos valeurs? Car oui, ici, les vainqueurs sont les meilleurs des tricheurs. Je regarde les années passées, j'ai pas oublié. Comment nos cœurs deviennent noirs face à vos idées. La douleur est profonde, ils m'ont négligé. Trop sincère, la plume et mon sang sur elle. Ce soir, j'avoue, j'ai mal. Je suis seul face à mes torts. Comme Vinicius et Bellingham, j'ai pas eu le ballon doré. Tes textes ils sont pas travaillés, tu rappes comme un jour férié. Ici on aime quand ça rappe, comme Eminem et 50. Ça sert à rien de sortir une arme, tu tires comme Colomboigny. La peur n'a pas d'odeur, même quand ça sent le roussé. Un crocodile, un requin, pas besoin de Gucci Fendi. T'ouvres le terrain à 10h, je me déclasse sur 10h. A 5 sur un mec, t'es un hagard comme tuteur. La vie ne fait pas le moine, sauf quand il porte un survêtement. Des bonnes punches et un refrain, c'est bon, je connais la recette. Affronter mon âme, c'est comme affronter le Barça. J'ai beau mener au score, je mange une remontada. Je regarde les années passées, j'ai pas oublié. Comment nos cœurs deviennent noirs face à vos idées. La douleur est profonde, ils m'ont négligé. Trop sincère, la plume et mon sang sur elle. Ce soir, j'avoue, j'ai mal. Je suis seul face à mes torts. Face à mes torts. Et on vient d'écouter Face à mes torts de UDFA. Vous êtes toujours sur Carapatage. Je redonne rapidement nos contacts si vous voulez nous joindre. Donc par courrier au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris, par mail à carapatage@riseup.net ou sur Instagram @carapatage. Et vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur le blog carapatage.noblogs.org. Et maintenant, Yentl, tu vas nous parler un petit peu de Mayotte. Donc Mayotte, comme vous le savez sûrement, a été frappée par le cyclone Chido le 14 décembre dernier. Le bilan humain est toujours incertain et contesté. Officiellement, il y aurait au moins 39 morts et plus de 5600 blessés. Donc sur la situation de Mayotte, ça, il y avait déjà eu une émission dessus, l'émission 52, au moment de l'opération Wambushu, et qui développait un peu plus l'historique de la partition de l'archipel et de la mise en place des visas avec les Comores, etc. Pour rappel, l'opération Wambushu, elle a eu lieu à partir d'avril 2023 et c'était une opération en plusieurs phases qui visait à la destruction massive de bidonvilles, à une campagne d'expulsion vers les Comores. Pour rester un peu dans le thème de l'émission, on peut parler des dérogations aux droits des étrangers qui sont propres à Mayotte. En métropole, la nationalité est acquise de plein droit à la majorité pour un enfant né en France de parents étrangers, sous condition d'avoir résidé un certain temps en France. Depuis 2018, il y a une dérogation à Mayotte. Pour les enfants nés à Mayotte, il faut que l'un des parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de 3 mois. Il y a aussi des dérogations au processus de régularisation. Être sur le territoire français avant l'âge de 13 ans permet une régularisation de plein droit à la majorité. Mais à Mayotte, il faut prouver en plus qu'on a vécu avec un de ses parents régularisé depuis l'âge de 13 ans. Et en termes de droits plus sociaux, l'aide médicale d'État n'existe pas, pas plus que l'allocation pour demandeurs d'asile. Pour revenir sur la situation post-cyclone, les premières mesures n'ont pas été humanitaires mais plutôt sécuritaires, avec l'établissement d'un couvre-feu dès le 17 décembre et des exemples de préférences nationales. Par exemple, dans certains points de distribution de maigres rations de nourriture, elles étaient conditionnées à la présentation d'une carte d'identité française et dans tous les cas... Les effets des différentes phases de l'opération Wambushu ont fait que des personnes en situation irrégulière n'ont pas osé se rendre au point de distribution alimentaire de peur d'être arrêtées, comme pendant la crise de l'eau l'année dernière. Et idem, ne sont pas forcément rendus dans les lieux de mise à l'abri avant le passage du cyclone. Il y a aussi la préfecture de Mayotte qui tente déjà d'empêcher les plus précaires de reconstruire leurs habitations. Depuis début janvier, selon un arrêté, seules les personnes munies d'un justificatif d'identité et de domicile peuvent acheter des morceaux de tôle dans les magasins de Mayotte, vu que c'est ça, dans ça que sont faits les habitats, les bangas, enfin les habitats dans les bidonvilles, et que le prix des morceaux de tôle a tellement augmenté qu'il est inaccessible pour beaucoup de gens en Mayotte. Ce qu'on constate dans cette séquence, c'est un renforcement des idées d'extrême droite. Déjà, entre-temps, un nouveau gouvernement a été nommé qui est obsédé par la lutte contre l'immigration illégale. Ça se voit avec la nomination de Manuel Valls au ministère des Outre-mer. Et ils ont pour projet d'encore plus restreindre le droit du sol et annoncent une loi programme prochainement. Et ça comprendrait une révision de la Constitution pour modifier le droit du sol. Et d'après Darmanin, ça s'appliquerait aussi en Guyane. La preuve que c'est bien pour créer des états d'exception dans certains départements d'outre-mer. Et c'est aussi poussé par des élus de Mayotte, comme la députée Estelle Youssoufa, qui demande la suspension immédiate de la délivrance des titres de séjour et de l'octroi de l'asile. Qui rejoint en fait la députée RN, parce que depuis les dernières législatives, il y a une députée RN à Mayotte qui veut expulser les gens hébergés dans les écoles parce qu'ils n'ont plus d'habitation, au prétexte qu'il y aurait trop d'étrangers qui participeraient à des pillages. Et maintenant, les campagnes xénophobes ne ciblent plus seulement les Comoriens, mais aussi des réfugiés africains qui tentent de plus en plus de trouver asile à Mayotte. Toujours cette députée RN qui avait proposé à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, en novembre 2024, d'externaliser les CRA en Tanzanie et à Madagascar. Et on peut aussi évoquer des discussions entre la France et la Somalie sur l'idée d'accord pour expulser des réfugiés somaliens de Mayotte, ce qui rappelle un peu le modèle du gouvernement d'extrême droite italien d'externalisation des frontières et de gestion des réfugiés. À propos des conséquences du cyclone dans les lieux d'enfermement, c'est un peu dur de trouver des informations. En tout cas, à la prison de Magicavo, les filets anti-projection auraient été mis hors service et les vestiaires du personnel détruits. Bon, c'est dommage. Au crat de Pamandzi, les retenus ont été enfermés dans leur chambre pendant l'ouragan et il y a eu une période sans eau ni électricité. Au 21 décembre, la préfecture continuait les transferts entre la prison et le CRA et la police continuait d'amener des personnes sans papier au CRA malgré l'impossibilité d'expulser par bateau vers les Comores à ce moment-là, vu l'état d'urgence. En tout cas, fin novembre dernier, juste avant le passage du cyclone, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a publié des rapports sur des lieux d'enfermement à Mayotte, donc la prison de Magicavo, le CRA, l'HP, qui faisait état de forte dégradation des conditions d'enfermement dans tous ces endroits et de la persistance de pratiques illégales, par exemple le rattachement dans le CRA d'enfants à des adultes à qui ils ne sont pas apparentés. C'est des rattachements fictifs dans le seul but de les éloigner le plus rapidement possible. Pourtant, la loi Asile et Immigration interdit l'enfermement des enfants en CRA, mais pas à Mayotte. Ça aura peut-être lieu d'ici 2027. Et ça, c'est un état d'exception qui risque de s'aggraver. Du coup, on arrive à la fin de l'émission. Voilà, on va se quitter sur un peu de musique. Vous pourrez retrouver l'émission sur le blog. Et la prochaine émission, c'est début février. Le 5 février, sur la guerre d'Algérie et comment ça se passait dans les prisons en France pendant la guerre d'Algérie. Voilà, bah, on a hâte. On va se quitter sur « Écrase and Nose » de Youen Guernish. Force à celles et ceux qui sont enfermés dans les CRA, les prisons et les HP. Et puis, à très vite. Et crève la tôle. Bonne soirée, salut. Écrase and nose, me cleave and have a lovely shawl, war lay and tea. Écrase and nose, me cleave and have a lovely shawl, war lay and tea. Have a very crazy time. Gonna have done so long, can it be on? Gonna conquer the army. You saw it, a quiz and have a lovely shot while they are. You saw it, a quiz and have a lovely shot while they are. Have a very crazy time. Alone, I'm gonna have done so long. Can it be on? Gonna conquer the army. You saw her no get with another lovely shot, while they are. You saw her no get with another lovely shot, while they are. Have a very crazy time. Alone, I'm gonna have done so long. Can it be on? Gonna conquer the army. You sang to war, it was another lovely shot, while they are. You sang to war, it was another lovely shot, while they are. Have a very crazy time. Alone, I'm gonna have done so long. Can it be on? Gonna funky journey. You saw more bras, it was another lovely shot, while they are. You saw. Ar mor braz e c'hwez an avel lo vlejar war leñ an ti. Avel a vel e c'hwez e ta. Alan em gant ar an taulant kan e buant kan ar frankis diant ni. De ven pedu e c'hwez an avel brau eo bev an baz an ti. De ven pedu e c'hwez an avel brau eo bev an baz an ti. Avel avel e c'hwez e ta. Alan em gant ar an taulant kan it du an kan a frankis diag di. Avel, avel e kwez e ta. Alan em gant ar an taulant kan it du an kan a frankis diag di. Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages.